Réponse à ceux qui utilisent l'excuse de l'ignorance et de la contrainte pour défendre les tawarites dans le jugement. Louange à Allah, que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et quiconque suit sa guidée. Après l'amour d'Allah, le Très-Haut et de son messager, il est nécessaire d'aimer les élus d'Allah et de considérer les ennemis d'Allah comme des adversaires à part entière. Les gens disent, pour défendre leur divinité, que Shir al-Islam, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a dressé la preuve aux Jahmiyyah, il ne les a pas rendus mécréants de façon individuelle pour autant. De même, pour l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, concernant les Mu'tazila, alors que la preuve leur avait été établie. Pire encore, c'était des savants dans la langue arabe et dans la religion. De par ce fait, ces gens vont excuser les tawarites en argumentant qu'ils sont contraints dans ce qu'ils font, ou bien que ce sont des ignorants, etc. Réponse. Concernant l'excuse de l'ignorance, elle n'intervient que dans les situations ambiguës qui peuvent poser problème et dans lesquelles on a besoin d'un éclaircissement. Ou encore, elle intervient concernant le nouveau converti, ou bien celui qui se trouve dans une contrée lointaine ou une île éloignée et qui possède bien évidemment la base de l'islam, mais qui ignorait un sujet connu de tous ou pas, qui ne peut être connu que par le biais de la preuve coranique ou prophétique. Quant à ceux qui ont accès à la science, l'ignorance n'est pas considérée comme étant un empêchement du takfir dans les sujets clairs, connus nécessairement de tous, que même les juifs, les chrétiens et autres parmi les mécréants connaissent. De même, l'ignorance n'est pas excusée dans les sujets concernant la base de l'islam, comme le fait de faire de l'association dans l'adoration d'Allah le Très-Haut, ou bien de prendre une autre divinité avec lui, ou bien lui donner des égaux, etc. L'ignorance dans ces cas-là est une preuve contre la personne, et non en sa faveur, car c'est une ignorance due au fait de s'être détourné de l'avertissement dressé dans le livre d'Allah et pour lequel tous les prophètes ont été envoyés. Pas d'excuse d'ignorance pour quiconque n'a pas reçu le message, ni d'excuse pour celui qui n'a pas eu la capacité de connaître la vérité en s'appuyant sur n'importe quelle excuse, légiférée. Et Allah dit « Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis ». Sourate 46, verset 3. Que dire alors si nous ajoutons à l'ignorance le fait de combattre la religion d'Allah, le fait de la rejeter, le fait de remplacer ses sanctions et ses règles, et le fait d'interdire sa législation par la force, etc. Comme c'est le cas des tawarites aujourd'hui. C'est pourquoi l'analogie qui rend équivalente la mécréance claire et évidente des tawarites qui ne jugent pas avec la sharia, qui interdisent la législation d'Allah, qui combattent la religion d'Allah et ses alliés, à l'innovation des premiers Jahmiya et Mu'tazila est incorrecte. En effet, ceci est une mauvaise analogie, à cause de la présence de nombreuses différences claires entre ces innovations qui peuvent poser problème à certaines personnes du fait de l'occultation des arguments à ces gens, et la mécréance claire des tawarites et leur association. Quant au fait de prétendre que l'imam Ahmed et Ibn Taymiyyah n'ont pas rendu mécréants les Jahmiyyah, malgré le fait que c'était des savants dans la langue et dans la religion, c'est une prétention qui est rejetée de par ce qui a été rapporté concernant l'imam Ahmed, qu'il faisait la distinction entre les têtes des Jahmiyyah et leurs prêcheurs, et le commun des gens parmi eux. Aussi, il a été rapporté à son sujet qu'il rendait mécréants leurs prêcheurs et leurs savants, mais pas le commun des gens. Quant au fait d'excuser les tawarites du fait qu'ils seraient contraints de juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre, eh bien c'est une excuse non établie dont il ne convient pas à un étudiant en religion d'y perdre son temps, car c'est comme le fait de les excuser de leur ignorance. Ce sont des excuses et des descriptifs qu'eux-mêmes, c'est-à-dire les tawarites, n'agréent pas. Pire encore, ils punissent et emprisonnent quiconque les accuse d'être dépendants des mécréants ou bien de travailler pour eux. Ils considèrent ainsi le fait de les qualifier d'ignorants comme une insulte à leur égard, et les critiquer entraîne l'application de sanctions issues de leur loi mécréante pouvant atteindre, selon leur loi de sécurité publique, 3 ans d'emprisonnement. Après cela, certains idiots, faisant semblant de ne pas voir la réalité, viennent polémiquer et défendre les tawarites par l'excuse de l'ignorance et de la contrainte, alors que ces derniers considèrent ce genre d'excuses comme des insultes, punissant même quiconque les ramène. Ce qui est donc obligatoire, c'est de prendre la parole des concernés, c'est-à-dire les tawarites, et non celle de ceux qui polémiquent en leur faveur, car les tawarites sont plus à même d'être au courant de leur état que n'importe qui d'autre. Ensuite, pour l'étudiant en religion distingué, qui connaît ce qu'ont cité les savants concernant la limite de la contrainte et ses conditions afin d'être accepté et considéré comme étant un empêchement du takfir, sait que la réalité n'a rien à voir avec la contrainte. En effet, parmi les conditions pour que l'excuse de la contrainte soit acceptée, il y a le fait que le contraint soit incapable de se protéger, ne serait-ce que par la fuite. Qu'est-ce qui a donc obligé ces Tawarides d'accéder au pouvoir? Tout le monde sait qu'ils ont usé de tous les moyens, tels que la trahison, la traîtrise, la triche, la tuerie, l'injustice face à leur peuple et même envers leurs proches, leurs pères, leurs frères, afin d'atteindre la souveraineté du jugement et de s'accaparer le trône. De façon intuitive, nous savons que personne ne peut être contraint à cela, mais c'est plutôt leur jugement qui est un jugement d'oppression. Et même si nous considérions qu'on leur a forcé à accéder au pouvoir, ce qui est faux, qu'est-ce qui les a donc forcés à rester sur le trône du jugement? Et même s'ils étaient vraiment forcés à abolir la législation d'Allah si longtemps, qu'est-ce qui les a forcés à monopoliser le pouvoir et à ne jamais l'abandonner tout au long de leur vie? Mais ils héritent ce trône de génération en génération. Et parmi les conditions que les savants ont mis en place pour authentifier la situation de contrainte, il y a aussi le fait que le contraint ne fasse pas de rajout dans ce qui lui a été demandé. Quant à ces tawarites, s'ils étaient vraiment contraints d'annuler la sharia, qu'est-ce donc qui les a forcés à combattre la religion d'Allah? Et qu'est-ce qui les a forcés à se moquer de la religion d'Allah et à autoriser les moqueurs? Et qu'est-ce qui les a forcés à permettre la mécréance et la mécréance de cette mécréance? Et qu'est-ce qui les a forcés à faire de leur propre personne des législateurs et des divinités adorées en dehors d'Allah? Et qu'est-ce qui les a forcés à prendre la démocratie comme religion? Et qu'est-ce que, et qu'est-ce que, et qu'est-ce que? Cette prétention est donc rejetée, et le concret l'annule. Et ils, comme nous l'avons dit, ne reconnaissent pas ceci. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont contraints. Contraintes que les polémiqueurs mettent en avant pour les défendre. Mais au contraire, ils se vantent toujours de leur indépendance et ils rappellent ouvertement qu'ils ne suivent personne et que personne n'intervient dans leur politique intérieure et même extérieure et qu'ils ont la suprématie totale et complète sur leur terre, sur leur État et sur leur peuple. Comme ils se vantent d'avoir mis en place ces constitutions pour leur peuple, ils font des éloges à ces constitutions et les considèrent même comme étant la chose la plus grandiose qu'ils ont présentée ou bien que leur père ait présentée comme don pour leur peuple, en prétendant qu'elles prennent en charge les droits de leur peuple et incluent le surmom de l'équité. Et ils ne s'en désolidarisent pas, ni ne disent qu'elle leur a été imposée ou bien qu'ils sont contraints de les faire appliquer, comme le prétendent les idiots qui les défendent. Ce qui est obligatoire, comme nous l'avons déjà dit, c'est de mettre en avant leurs paroles plutôt que celles de ceux qui les défendent, car les Tawarites sont les mieux placés pour connaître leur propre situation. Les Jahmiya y disent que le Coran a été créé, alors que le Coran c'est la parole d'Allah. Les Mu'tazila reconnaissent les termes de ses noms, Subhanahu wa Ta'ala, mais lui renient les attributs de perfection qu'ils impliquent. Ils disent ainsi qu'Allah est tout miséricordieux, très miséricordieux, sans miséricorde, omniscient sans science, parfaitement entendant sans ouïe, clairvoyant sans vue, puissant sans puissance. Et ils disent de même sur le reste des noms.